tu vois. On a mille et une raisons de vouloir s'en sortir. Pendant le truc, faut juste donner un sens à tout ça. Dans mon jardin d'Eden, l'amour est dead. Cherche une fille de riche qui réglera mes dettes. Je dormirai pas la night tant que j'aurai pas la maille. Pour un peu de bonheur, on s'arrange à la miable. Hallucination rime avec machination. Parle pas de malchance, le système est truqué comme une machine à sous. À côté de moi, y'a le mal qui me côtoie. J'suis marié à la rue, pourtant j'ai pas la bague au doigt. Pas le temps de ses pions, vois l'échec, chacun perd ses pions. On a tous une mauvaise perception. Pour la France, mon accent tue, donc ma haine s'accentue. 2006, tu veux que je fasse voir sans thune. Pendant ce temps, les véreux remplissent leurs poches, piocher dans les caisses. Mais est-ce qu'on leur reproche? La vie qu'on mène, c'est inquiétant. Tu peux pas te faire d'idée en enquêtant. Mais qu'en y étant, j'ai un seum de personnalité. Foutu monde matérialiste, on se fout de ta personnalité. Je voudrais m'enfuir, mais je suis cerné par les miradors. Dans la ligne de mire, l'état à tort me nuira tort. Les pieds dans la mer, la tête dans les nuages. Les mains salées, le cœur qui cède. Les yeux ouverts, les dents aiguisées. Les oreilles qui s'y. Je veux donner un sens à tout ça. Les pieds dans la mer, la tête dans les nuages. Les mains salées, le cœur qui cède. Les yeux ouverts, les dents aiguisées. Les oreilles qui s'y. Je veux donner un sens à tout ça. Je lève mon poing contre ce pays de babouin. Au lieu de rénover, ils préfèrent construire des ronds-points. Je suis lassé en plus, ils voudraient que je me déchose. Logique, illogique, me doit de faire la part des choses. Je calcule clébard, mode de vie de clébard. A chaque fois que je tends la main, on me fait une clé de bras. Je sais pas aller vers où, dans nos blocs. La roue est bloquée, on n'a pas la clé du verrou. Ce qui est fait, ça me fait effet. Quand je vois que la couleur de mes frères est frais. Ici c'est un putain de casse-tête. 91 et sonne mon plaid. Je vois pas plus loin que ma casquette. Ma casquette. Escroc ou mec bien, dealer ou médecin. J'ai fait mon choix, car en fait j'ai pas le choix. On me dit qui sert, des fois change de disque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi l'échec me dédicace. J'suis pas épanoui, comme des vampires. On sort pas les crocs, tant qu'il fait pas nuit. Ici c'est pas trip. Personne peut juger le bien ou le mal. Au monde, y'a qu'un seul arbitre. Les pieds dans la mer, la tête dans les nuages. Les mains salées, le cœur qui cède. Les yeux ouverts, les dents aiguisées. Les oreilles qui